En signe de félicitation de l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée, les personnalités des organisations politiques et sociales et des établissements de divers pays du monde ont visité les ambassades coréennes dans leur pays. Ce sont le secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, le président du Parti social-démocrate Mouvement de libération de Sao Tomé-Principe, le président national du Parti pour le progrès populaire du Nigeria, le secrétaire général du comité d'études des études justes d'Italie, le secrétaire général du centre d'études des études justes de Milan, Italie, le directeur sur place de la compagnie des travaux à forfait et du commerce Dulim Al-Mustaqbal du Koweït, etc. Ils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits souriants du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et le tableau de peinture des grands leaders avant de formuler leur hommage.